Bonjour Sonny. Bonjour. Avant tout, merci de m'accorder ces quelques minutes. Je vais te poser 4 questions, à toi de me dire tes 4 vérités. Première question. Comment vois-tu la mauvaise évolution d'un jeune d'aujourd'hui? Ben moi je trouve que... Si on fait des fautes, c'est qu'on manque d'études. Et si on manque d'études, c'est la rue qu'on coche. Et si on coche la rue, dis bienvenue à la ruse. Et si la ruse t'approche, c'est que le mal est proche. Et si le mal est proche, on va avoir de grosses poches. Et si on a de grosses poches, c'est que ton argent sent pas la rose. Et s'il sent pas la rose, c'est qu'il est sale. Et si il est sale, ça vient sûrement d'un bise illégal. Bise illégal, égal les flics au cul, putain ça se gâte. Et si ça se gâte, fais gaffe et écoute. Et si t'écoutes, tu pourras t'en sortir. Et si tu peux t'en sortir, c'est qu'il est jamais trop tard. Et s'il est jamais trop tard, c'est que t'auras une deuxième chance. Et si t'as une deuxième chance, s'il te plaît, saisis-la. S'il te plaît, saisis-la. S'il te plaît, saisis-la. D'accord. Deuxième question, comment toi te décrirais-tu? Mon cœur bat comme tout le monde, tout le temps. S'il s'arrête, c'est la fin pour moi dans ce bas monde. Une date, un jour, un destin, un drame, un jour, un décès. Ça, c'est normal, c'est comme ça que je me vois. Un être humain banal à l'échelle de 1 sur 6 milliards. Mon mal-être et ma joie de vivre se concurrencent. En parallèle, mais elles ne seront jamais concurrentes. Ma vie est une longue route, l'argent me sert à payer le péage. Tu lâches la maille ou sinon tu stagnes. L'école est une roue principale, à la fois une roue de secours. Les diplômes assurent la survie en cas de secousse. Si tu échoues, tu pourras crier fort, fort. Pas sûr que quelqu'un entende tes appels au secours. Donc j'ai choisi mon chemin, écoute bien. Et sache une chose que moi, je bosse, bosse. Sache une chose que moi, je bosse, bosse. Avant-dernière question, pourquoi et pour qui rappes-tu? Tout d'abord, pourquoi? Parce que... Le rap me sert de moyen d'expression autre que la violence et le renfermement sur soi-même. Il me mène souvent à un même but. Trouver des réponses à mes questions, ouvrir un peu plus la porte de mon cocon. Ils m'aident certes, mais je l'associe pas au même niveau que ma famille ou que ma religion. Le rap reste une passion, il m'aide à m'enrichir. Il me pousse à aller faire des recherches profondes d'un profil ancien voire historique. On arrive au pour qui? Pour les personnes qui me soutiennent, qui me sont synonymes à l'intérieur. Oublions l'extérieur pour cette fois-ci. Dans le rap, le physique ne compte pas. Donc j'en place une pour les filles qui m'écoutent. Je rappe ni pour la frime, ni pour trouver ma femme. Donc commence pas à me parler d'avenir au bout d'un 16 ou d'un soir. Et pour finir, pourquoi le titre En attendant que le soleil se lève? Bonne question. Bonne question, je vais y répondre de spi. À la base, je suis un homme de la nuit, donc un homme de l'ombre. Ma vie a commencé, je la trouvais assez sombre. J'ai avancé, j'ai réussi une éducation un peu comme tout le monde. J'ai des acquis, mais je connais pas tout, j'ai mes défauts. Et faut savoir que le mal, lui, il est bien partout. On a nos erreurs, on a nos dettes. On aura nos têtes à tête. Le jugement dernier, personne n'en sortira indemne. Donc sache que tu réussisses ou pas, face à lui, on est tous au même niveau. Donc, dans l'ombre et le paradis, la seule vraie lumière. Voilà pourquoi, en attendant que le soleil se lève, mon stylo s'use à chaque seconde. Chaque page est comme une perle. Écoute le chant du coq et admire les premiers rayons de soleil. Écoute le chant du coq et admire les premiers rayons de soleil.